Bonjour, chers écouteurs. La marche de l'histoire. Jean Lebrun. Bussan, le théâtre du peuple. Quand vous arrivez à Bussan, là, en venant d'Épinal, vous voyez de loin, très très loin, vous voyez sur votre gauche, les superstructures, comme on dit aujourd'hui, du théâtre, et vous pouvez lire « Théâtre du peuple ». Au pied d'un col qui servait de frontière avec l'Allemagne après 1871, la famille de Frédéric Potcher, le chroniqueur judiciaire que vous avez peut-être reconnu, a établi en 1895 un grand rendez-vous de spectacles estivaux. Une superbe salle fut édifiée pour 1000 spectateurs, une sorte de Beyrouth, de Beyrouth, veux-je dire, de bois. La devise de l'endroit était « Fier par l'art et pour l'humanité ». Et l'intention, ambitieuse. Il s'agissait de faire jouer ensemble sur la scène, professionnels et amateurs, et dans la salle de mêler des spectateurs de toutes origines. « Le peuple se nourrit du peuple », disait Romain Rolland. La direction de Bussan fut ensuite longtemps assurée par une très grande vedette du cinéma d'avant-guerre, Pierre-Richard Wilm, qui craignait Paris, redoutait Hollywood et n'aimait rien tant que de se tenir dans les Vosges. Faire plaisir à 10 000 spectateurs par an, c'est une raison de vivre, disait-il. À près de 120 ans, le théâtre du peuple poursuit son chemin, c'est même pour la presse nationale, le ministère de la Culture, les collectivités, un théâtre légitime. La légitimité d'aujourd'hui tient largement aux chiffres, alors je vous en donne un. 26 000 spectateurs cette saison, soit le quart des spectateurs du festival In d'Avignon. Jean-Marc Leverato, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes un voisin de Bussan, vous enseignez à Metz, à l'université de Metz. On ne va pas présenter Bussan comme une très vieille chose. D'ailleurs, vos intérêts, vous, c'est le cinéma de Hollywood, où Pierre-Richard Wilm n'a pas voulu mettre les pieds, la culture du net, le rock en Lorraine. Oui, tout à fait, oui. Donc, ce qui explique que je me sois intéressé au Théâtre du Peuple de Bussan, c'est tout simplement, en fait, un appel d'offres sur l'histoire locale. Je me suis intéressé à l'histoire locale et donc j'ai eu l'idée d'associer une étude sur le Théâtre du Peuple à une étude des historiens locaux, puisqu'effectivement, il y a eu toujours dans le projet de Maurice Potcher, le fondateur du théâtre, cette idée que le Théâtre du Peuple devait s'ancrer donc dans cette histoire locale. Et... Alors l'histoire locale, nous sommes dans une petite patrie, comme disait Jules Ferry, élu des Vosges, à la limite de la grande patrie, dans une sorte de bout de monde, mais en même temps, c'est un lieu source. La Moselle, la rivière, commence là. Et puis, il y a des activités à Bussan, où il y a un peu plus de 2000 habitants à la fin du 19e siècle. Oui, absolument. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on arrive à Bussan, on est enchanté par le cadre, par la découverte, effectivement, le rappelle Frédéric, de la superstructure du théâtre. Et on est aussi assez étonné par le décalage entre l'importance de l'édifice et ce qu'on perçoit presque aujourd'hui comme un hameau. Alors que si on se resitue dans le contexte de la création du Théâtre du Peuple, il s'agit beaucoup plus que d'une bourgade, c'est une commune assez importante. Le chemin de fer y est arrivé grâce à l'action du maire, le père de Maurice Potcher. Il y a une garnison en résidence qui défend donc cette fameuse ligne bleue des Vosges. Il y a des usines, alors usines de textile, usines de couverts métalliques. Le père de Maurice Potcher est très très réputé dans l'industrie du couvert et des étries, hein, donc, et il a fait fortune, donc il va mettre sa fortune au service aussi du projet de son fils. Alors, le fils va faire ses études à Paris, il fréquente le monde de la littérature, le monde du théâtre. On l'entend ici, à la fin de sa vie, il s'entretient avec Radio France Lorraine, nous sommes en 1946, et il compte la première grande représentation dans un lieu permanent. Le 1er septembre 1895, je fis représenter sur un palier de la montagne, voisin de ma maison familiale, une pièce en trois actes, Le diable marchand de gouttes, semi-comique et semi-tragique. Elle fit encore plus de bruit et marqua la naissance de ce théâtre nouveau. Dès cette date, le Théâtre du Peuple était donc fondé. Oh, attendez, s'il vous plaît. Quelques explications me paraissent ici nécessaires. Nous les écouterons volontiers. D'abord, je dois vous dire que cherchant un nom à donner à ce théâtre nouveau pour composer l'affiche qui annonçait ce spectacle, ce titre de Théâtre du Peuple me fut soufflé par mon jeune professeur d'histoire du Collège d'Épinal, Alfred Bourgeois. Et c'est dans un livre de son maître Michelet qu'il avait trouvé ce titre, Théâtre du Peuple, titre qui m'inquiétait un peu. Ah, je comprends. Je craignais qu'on y attachât un sens plus étroit, une intention plus politique que je ne le souhaitais pour une œuvre avant tout artistique. Alors, j'ai de plus tranchant que l'intervieweur de l'époque, Louis Fleurant, Jean-Marc Leverato. Il se méfie d'une interprétation politique, Maurice Potcher, parce que c'est un républicain, la République unie, la politique peut diviser. Tout à fait, il s'inscrit vraiment dans la perspective d'une conception du peuple, du populus, donc qui représente la nation, donc du mélange des classes, de la réunion des classes, de la communion en fait civique, par opposition à une valorisation de ce qu'il appelle la plebs, donc ou du prolétaire, c'est-à-dire donc il prend vraiment ses distances par rapport à tout un courant socialiste qui va parfois se revendiquer de lui. Lui, il défend en fait cette idée de l'art théâtral comme moyen de communion civique. Et il met vraiment beaucoup l'accent sur cette communion entre les classes, d'ailleurs qui est réalisée matériellement, faut se rappeler, hein, à Bussan, par le fait que en fait ce sont les spectateurs les plus riches dont font partie les curistes, parce que Bussan est aussi une station thermale réputée, qui paye donc le spectacle, puisqu'il y a une représentation payante, et ça permet de donner une représentation gratuite aux ouvriers ou aux paysans qui ne peuvent accéder normalement à la salle. Alors, il faut imaginer les gens qui viennent de Paris par chemin de fer, voilà. Comme Romain Rolland, qui sera un ami de Maurice Potcher, les baigneurs, voilà, qui sont là à cause des sources thermales, les ouvriers qui viennent à pied. Et longtemps, le théâtre est à l'extérieur. Il y a juste une scène, une toile de fond. Jusqu'en 1998. Hein. Oui. Et puis maintenant, il y a un superbe théâtre de bois. Tout à fait. Je disais Beyrouth plutôt. Beyrouth, oui. Oui, alors, il faut se rappeler qu'il y a aussi, donc, parce que vous l'avez cité, les touristes, mais pour ainsi dire, donc, d'Alsace, c'est-à-dire donc ceux qui font partie de la mère patrie, hein, donc, ouais. Qui saisissent l'occasion aussi pour renouer leur lien avec leur famille et affirmer leur lien avec la nation, donc notamment les causes de la passion de Jeanne d'Arc. Donc cette dimension-là est très importante, en fait, dans le théâtre lui-même. Oui. Les bancs sont en bois, ils sont toujours en bois, on peut apporter son coussin, voilà. Maintenant. Et il y a un rite qu'on attend à Bussan, une fois qu'on est venu comme en pèlerinage. Il y a un moment... Voilà, qui est le fameux moment donc de l'ouverture du mur de fond, c'est-à-dire de l'ouverture des portes qui font pénétrer, alors maintenant que le théâtre est fermé, la lumière extérieure, parce que le spectacle se joue en plein jour, et donc effectivement qui accroît encore, on pourrait dire, la magie de l'effet de la découverte donc de la pente, de la colline à la base duquel le théâtre est construit, et évidemment de ces arbres, et puis donc effectivement des personnages, donc les animaux... Oui, ça s'ouvre, il va y avoir un cheval qui descend. Voilà, la pente, voilà. Ouais. Et donc évidemment ça coupe le souffle et c'est on pourrait dire un moment extrêmement attendu puisque c'est un rite aujourd'hui parce que un rite de commémoration, on pourrait dire donc de la fondation du théâtre. Rapprochement dans la salle, collaboration sur la scène entre amateurs et professionnels dès le départ. Alors la femme de Maurice Potcher qui l'a ramené de Paris, qui va jouer de 1893 à 1952 à Bussan, c'est une professionnelle du théâtre. Tout à fait, oui. Alors c'est une bonne question parce que souvent on a mis l'accent sur cette dimension donc de l'amateurisme. Et lui-même, Maurice a beaucoup insisté dessus parce que il voulait aussi se distancer de ce qu'il appelait un théâtre commercial. Et pour lui, la bonne volonté des amateurs était un peu une manière camouflée adressée au commercialisme parisien. Et il faut donc corriger, on pourrait dire, cette valorisation, on pourrait dire, des amateurs par le fait que Tandekam est vraiment l'étoile du théâtre d'art, hein, donc de Paul Fort. Elle est très estimée. Il y a un article de Francis Sarcey sur elle. C'est une star, donc jeune star dont célèbre la qualité de la diction. Et en fait, il ne faut pas oublier que si on reprend un peu la programmation telle que Brice l'avait conçue, il a écrit en fait des rôles sur mesure, un peu comme Sardou pour Sarah Bernard, des rôles sur mesure pour Tandekam, qui on l'appelait Tandekam, hein, donc Camille de Saint-Maurice, Georgette Camet de son nom de scène. Et effectivement, ça revient comme une antienne chez tous les commentateurs. C'est-à-dire, elle seule, on pourrait dire, elle justifie le déplacement. Notamment, par exemple, dans son interprétation de Lady Macbeth en 1902. Quel couple, le voilà. Padré, Maurice, et Tandekam, ici évoqué par le neveu Frédéric, et puis par une vieille habitante, une buissonnaise. Il faut vous dire que mon oncle avait rencontré une comédienne, il fréquentait assidûment les théâtres qu'on n'appelait pas encore comme ça, mais qui étaient d'avant-garde, parmi lesquels il y avait l'œuvre de Luniepo. Et dans la troupe de Luniepo, il y avait une jeune actrice qui était étrange. Elle était plus étrange que belle, elle était pas mal, mais elle était assez étrange. Elle avait un côté exotique, elle avait à la fois du sang martiniquais et parigot. Très parigot d'un côté, très martiniquais de l'autre, vous voyez ce que ça peut donner. Elle s'appelait Cam. Mon oncle est tombé amoureux fou de cette femme. Et il l'a épousée. Mais Madame Potcher, Madame Maurice Potcher, alors était une femme extraordinaire. Alors elle, par exemple, si on pouvait parler d'originalité, Madame Potcher était vraiment l'actrice, dans le vrai sens du terme. Elle s'habillait souvent avec les costumes du théâtre. Alors vous voyez ce que ça pouvait donner dans les rues de Bussan. Et elle avait un grand fume cigarette. Alors ça, vraiment, le fume cigarette, alors ça m'avait ébloui complètement. Je trouvais ça extraordinaire. Un grand fume cigarette comme ça. Et puis, ça me semblait être à des allées-lumière, des gens comme ça. Quand vers la vallée, le vent d'autrefois m'emporta ma voix par l'écho roulé. La montagne sonore en fut tout ébranlée. À mon appel, terreur des rois, mon père saluait une nouvelle aurore et mourait joyeux quand j'avais chanté ô terre. Ses fils savent mon nom encore. Reconnais-moi la liberté. C'est vous qui nous avez signalé qu'on pouvait puiser dans ce trésor que sont les archives de la parole de la BNF. C'est un enregistrement de Tandekam elle-même qui date, très bien restaurée, de 1913. Et il s'agit du prologue d'une pièce de 1898. On est en pleine affaire Dreyfus, Liberté. Tout à fait, oui. Oui, donc c'est une. C'est intéressant, peut-être d'ailleurs, de souligner. Comme vous venez de le faire, la relation en fait de l'œuvre de Potcher avec l'actualité, et notamment alors l'actualité, on pourrait dire artistique, parce que il faut quand même signaler que le succès initial du théâtre vient aussi de ce que il est vraiment en accord avec le développement du naturalisme, des expériences du théâtre libre, la puissance des ténèbres en 1888 a mis des paysans russes sur la scène, et effectivement le Diane Marchand du coup, de Goutte qui est inspiré par exemple du premier distillateur de Tolstoï, comme il le dit explicitement, finalement met en scène des paysans vosgiens, des vrais paysans sur la scène. Parce qu'il y a tout un débat aujourd'hui, est-ce qu'il faut garder les pièces de Potcher au répertoire, ça serait vieilli et régionaliste, c'était contemporain. Tout à fait. Et alors pour l'actualité politique, effectivement, il est bon de rappeler qu'il cherche aussi et je pense qu'il y a dans Liberté un écho au débat qu'a suscité Thermidor de Sardou, effectivement la mise en scène de la Révolution, et donc effectivement Liberté met en scène la Révolution dans les Vosges, et je trouve effectivement dans cette ancrage territorial, mais aussi dans cette valorisation de cet idéal national, une manière de toucher un public à la fois, alors c'est toujours son antienne, parisien et provincial. Le théâtre du peuple, qui est encore pour l'essentiel en plein air, mais qui a une scène qui peut servir de grange et réquisitionnée pendant la Grande Guerre. Le feu d'artifice de Bussan, cette année, 2 août, a célébré le début, ou commémoré le début de la Première Guerre mondiale. Alors, après le feu d'artifice, on a entendu un enregistrement de Jean-Jacques Goldman, quand il chantait en trio, et qu'il questionnait « Si j'avais été allemand ?» fleur torrent. Si j'avais grandi dans les Docklands de Belfast, soldat d'une foi, d'une caste, aurais-je eu la force envers et contre les miens de trahir tendu une main. Si j'étais né blanche et riche à Johannesburg, entre le pouvoir et la peur, aurais-je autant de ces cris portés par le vent, rien ne sera comme avant. La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter. Et la conclusion de la chanson de Goldman, qu'on nous épargne à moi et à toi, si possible très longtemps, d'avoir à choisir un camp. On est tout à fait dans la tonalité des Potcher qui étaient républicains, Dreyfusards, antinationalistes, fâchés avec Maurice Barrès, le fils, part à la guerre, il s'appelle Jean, il est infirmier, il meurt en 1918. Brancardier, oui, il est... c'est un grand drame pour le père, oui. Parce qu'il est tué en essayant de secourir un blessé français, donc au mépris des lois de la Croix-Rouge. C'est vrai que vous avez bien résumé, en fait, ce qui sépare, évidemment, Maurice Potcher et sa famille, finalement, de l'autre, de Maurice Barrès, qui représente une autre forme de régionalisme, initialement, donc, qui va tout à fait prendre une autre direction. Même si Frédéric, par exemple, dit que Maurice Barrès est venu au théâtre, ça, je n'ai jamais pu le vérifier dans les archives. Et... c'est vrai que c'est important de signaler cet engagement de Maurice, par exemple, de Jean, donc d'abord, et de Maurice ensuite, puisque il y a cet idéal pacifiste qui a été défendu par Maurice, qui est l'auteur d'un ode à Jaurès d'ailleurs. Hein, donc, Jean mort reste l'ami proche de Jean, qui s'appelle Pierre-Richard Wilm. Alors, pour les femmes qui allaient au cinéma voilà, entre les deux guerres, oui. Pour ma mère, c'était l'idole extraordinaire. Oui, il est, et cet homme-là, il trouvait peut-être que les femmes l'aimaient trop, prenait beaucoup de goût à venir à Bussan, qu'il a dirigé de fait jusqu'à la fin des années 1960 et à qui il a apporté beaucoup. C'est étrange, cette star qui s'installe loin des étoiles. Oui, oui. Alors, ce qui est intéressant de faire le lien avec Jean, c'est que il a adopté en fait vraiment donc Maurice Potcher. Donc, c'est lui d'ailleurs qui a inventé le pseudo de du Maurice, padre. Le padre. Donc, et lorsqu'il découvre à l'invitation de Jean en 1911 le théâtre, il tombe évidemment amoureux du lieu, du projet, de la scène. Donc, il dit souvent qu'il doit en fait. Maurice Potcher d'avoir fait du théâtre et donc du cinéma. Et je crois qu'il y a une logique de dette, donc de contre-don, hein, qui se construit à ce moment-là, qui l'intègre à ce moment-là, qui va l'amener effectivement à, par fidélité, mais aussi par goût, vous avez raison de le dire, à finalement s'investir dans le théâtre à partir du moment où les effets de l'épuration, parce qu'il a un peu souffert donc de l'épuration. Le dégoûte encore davantage de Paris. Voilà, le dégoûte encore de Paris. Il donne une grande dimension visuelle, il fait les décors, les costumes. Voilà. Et il dit, c'est mon plaisir de faire plaisir à 10 000 spectateurs. Il y a une dimension de plaisir du sang. Qui est toujours présente et qui finalement complique un petit peu la discussion lorsqu'on parle du théâtre du peuple, de son héritage, puisque je crois qu'effectivement ce qui caractérise Maurice, c'est l'accent sur cette dimension du plaisir théâtral, dont il estime que le théâtre du peuple doit l'apporter sans s'embarrasser de considérations, comme il dit, trop élitistes. C'est-à-dire alors, vous voulez dire que la presse nationale, quand elle consent à se déplacer à Bussan, La Croix, Le Figaro, Libération, le font, les ministères, quand ils donnent de l'argent à Bussan, Madame Filippetti, évidemment, était habituée de Bussan, eux, ils défendent une culture légitime et pas assez cette dimension de plaisir. Alors, encore une fois, c'est la preuve du bowling, c'est qu'on le mange. On peut pas du tout juger de ce qui se fait à Busan si on va pas à Busan, si on n'apprécie pas le spectacle. C'est-à-dire, si on ne le juge pas, comme chacun des spectateurs qui est présent. Je crois qu'effectivement, vous soulignez quand même un petit problème, c'est-à-dire que le regard qui est porté sur Busan, finalement, aujourd'hui, il est un peu paradoxalement, à l'inverse de ce qui était au départ le projet du créateur, qui était effectivement, pour ainsi dire, comme il le dit, de reconnaître un peu la compétence du spectateur ordinaire, je dirais, comme on pourrait dire, d'ailleurs, le cinéma le fait. C'est-à-dire, de quelle manière, on pourrait dire, le cinéma aujourd'hui est resté un art vivant, parce que c'est un art commercial qui est obligé de prendre en compte le plaisir du spectateur auquel il s'adresse. Compétence du spectateur, compétence du comédien amateur, il y a, allez, Pierre-Richard Lorville, la popote où se réunissent sur le chemin du théâtre professionnels qui viennent à Busan, qui logent dans des chambres de la popote, et puis les gens du cru de toutes origines sociales. Mon mari, il est rentré à l'usine à 13 ans. Il en est sorti à 65 ans. Il n'a jamais été ailleurs. Alors, ça fait déjà un bail. Alors depuis 13 ans jusqu'à 63 ans qu'il a joué au théâtre, les pièces de Maurice Pocher, on aimait bien parce que c'était un peu comme nous. C'était bien. Et puis tout ce qu'il y avait là dans le théâtre, c'était la plupart, c'était toutes les personnes qu'on connaissait, des gens du pays. Quand on voit les rubans s'envoler, la fumée de sa pipe, c'est que l'oiseau gris ne veut pas tarder de chanter. Bouge-toi les oreilles, si tu relèves plus fort. Et puis ça plaisait aux gens de la campagne. On déterminait les mêmes réactions de rire et de pleurs avec les bourgeois qu'avec les simples gens qui étaient là, dont certains ne savaient pas lire. Oui, par le champ, pour nous, pour tous, si on misère. Mais nous vous avons tout donné, notre sang, notre sueur, notre argent et d'abord notre âme. Mais une guerre était à peine terminée, qu'une autre s'abattait sur nous plus lourde encore, comme une nuit de gelée en mars suit la grêle. Encore de l'or, encore du sang, allez, prenez. Et chaque fois l'impôt augmente, mais les hommes diminuent. Qu'est-ce qui nous reste à présent ? Ça y est, nos auditeurs ont identifié le style Pocher. C'est du Maurice Pocher typique. Encore la guerre, encore l'impôt, l'empire des morts, mais on lui a déjà tout donné. Comment c'est la popote? Où se mélange comédien et créateur et professionnel? Voilà, c'est ça. Je crois que c'est ça qui constitue, on l'a vu dans les souvenirs qui ont été évoqués, l'effet majeur de l'innovation de Pocher. C'est quelque chose qui aujourd'hui est extrêmement valorisé. C'est de quelle manière on pourrait dire donc le professionnel peut sortir de sa tour d'ivoire et effectivement donc amener l'amateur travailler avec lui dans une relation donc qu'on dit symétrique. Et ça, je crois que effectivement, bon, alors aujourd'hui d'ailleurs, c'est quelque chose qui est encore présent. Simplement, aujourd'hui, on doit tenir compte du fait que le contexte a largement évolué. Lorsque le théâtre a été créé, comme le rappellent en fait les témoins, c'était un des rares divertissements qui pouvait être offert à des ouvriers des usines Pocher et des usines environnantes. Aujourd'hui, effectivement, donc, il faut resituer ce théâtre dans un contexte... Ça plaît aux tutelles quand même, parce que la moitié des ressources viennent des recettes. Mais il faut faire maintenant appel, depuis que les Pocher ont peu à peu passé le relais, les années 80, avec le départ de Pierre Chan, le petit-fils, il faut faire appel aux collectivités locales. Tout à fait. Donc le Conseil Général doit imaginer ça comme un produit formidable pour l'exportation, le ministère de la Culture comme un lieu ressource. Donc on calcule, on évalue. Alors ça leur plaît quand même aux tutelles le fait qu'il y ait, oui, parce qu'en plus, des amateurs et des professionnels. Depuis une dizaine d'années, évidemment, on met énormément l'accent sur la façon dont le théâtre public, effectivement, il s'ancre territorialement et de quelle manière il a une fonction d'éducation par rapport à des amateurs. Donc, vous commencez à parler comme un ministère. Voilà, hein, exactement. Donc, il y a une rhétorique, on va dire, institutionnelle, qui rejoint d'ailleurs une rhétorique professionnelle sur, effectivement, l'utilité, alors c'est intéressant par rapport, parce que cette notion d'utilité peut être mise en cause, mais sur l'utilité du théâtre public, sa fonction d'animation, Vous avez relu hier un texte de 1913 de Romain Rolland. Vous vous souvenez qu'il écrit « L'État pétrifie tout ce qu'il touche ». Tout à fait, oui. Et donc, c'est aussi d'ailleurs quelque chose qui était partagé par Potcher, qui avait bien conscience de la particularité de l'expérience qu'il proposait. Donc, comme il dit, le théâtre du peuple donc désigne une forme de théâtre événement, une forme de spectacle fait, où il faut être vraiment attentif à donc finalement la dimension vivante du spectacle. Il ne faut pas chercher à la figer, à l'institutionnaliser trop fortement. Et donc, du même coup, c'est l'idée d'une diversité. À chaque fois, on va changer, on va trouver d'autres pistes, on va explorer d'autres formes, par exemple, de représentation. C'est pas facile de diriger maintenant le théâtre du peuple. Olivier Pille a fait une expérience explosive et brève. On va citer François Rancillac, Christophe Roque, Pierre Guillois, et aujourd'hui, Vincent Goethals. On peut dire que c'est une espèce de fourmilière avec toutes sortes de petites boîtes, ce théâtre, et alors chaque petite boîte a sa clé. Il y a des noms comme Le Tibord qui font référence à un ancien metteur en scène. C'est le nom de son ancien bureau. Le Tibord, ça doit être une de ces deux clés-là. C'est des secrets, ça. Non, parce que ça ouvre à l'envers, en plus. Voilà. On raconte des histoires. On dit qu'on entend le fantôme de Maurice Potcher à une certaine heure de la nuit, hein. Et puis aussi, il y a des animaux, il y a des chauves-souris qui se réveillent le soir, qui volent dans la salle, qui jouent avec la lumière des projecteurs. Voilà, il y en a une qui a un nom, on l'appelle Titine d'ailleurs, hein. Tous les soirs, on a le bonjour de Titine. C'est la chauve-souris. Tibord et Guervary, c'est le successeur de Pierre-Richard Wilm, le dernier de l'époque Potcher. Et les Potcher sont là comme des fantômes, vous savez quand vous êtes au théâtre de l'Atelier, il y a un courant d'air. À un certain moment, c'est Dulin qui retrouve la porte. C'est le génie du lieu. C'est pas facile, hein, donc, de diriger dans ces conditions-là. Non, c'est vrai qu'il faut traiter avec l'esprit de Maurice Potcher. Donc, c'est compliqué puisque, bon, on l'a vu dans les témoignages, il y a des gens qui sont toujours nostalgiques, donc de la grande période. Peut-être que ce qui en reste quand même, c'est effectivement parfois cette réussite, alors outre donc l'ouverture des portes, ces moments de magie théâtrale qui font que on voit sur la scène fonctionner des amateurs, donc dans des grandes pièces, ce qu'on voit aujourd'hui rarement finalement dans le théâtre subventionné, des très grandes pièces. Il faut dire, vous voulez dire qu'il faut des grandes pièces pour tenir la grande salle. Voilà, exactement. C'est ça que vous voulez dire. On a bien compris votre message. Petite forme cet hiver à Bussan, la saison d'été vient de s'achever. Et début décembre, pendant une dizaine de jours, de courtes pièces dans des lieux un peu moins froids que ne l'est le Grand Théâtre pendant l'hiver. On salue Arnaud Caillet, Jacques Sigal, Ilinka Negulesco, qui ont préparé ou réalisé cette émission. Sur France Inter, c'était à l'instant une rediffusion de la marche de l'histoire. D'autres émissions, elles aussi consacrées au programme scolaire d'histoire, sont à retrouver sur notre site www.franceinter.fr.